Livre III. Les sièges. Chapitre Ier. La guerre de Cent Ans. La lutte supérieure à nous. Les rois et les peuples se précipitent vers Saint-Michel. Les monnaies. L'abbé capitaine et du Guesclin. Tiphaine la fée. Pierre le roi. L'enceinte achevée attend les Anglais. 1. Le précédent livre, Les moines, dont nous venons d'écrire la dernière page, contient 5 siècles de l'histoire du Mont-Saint-Michel. Nous entamons le livre Les sièges, non pas que les moines aient déserté leur poste au cœur dans le sanctuaire où le Laus Perennis retentit toujours, mais parce qu'un autre soin va s'ajouter pour eux au devoir du cantique perpétuel. Leur œuvre matérielle est parfaite, ils ont ajouté d'année en année l'audacieux à l'impossible pour faire à leur montagne un vêtement complet de merveille, cette période de création a pris fin. Désormais, Saint-Michel habite la splendeur de sa maison achevée, la guerre commence qui va durer plus d'un siècle. Saint-Michel, en dernier lieu, a employé ses paisibles soldats à élever autour de son roc une ceinture de murailles. Il est là, gardé par le péril de la mer, et les murs qui le défendent ne l'emprisonnent point, car il a ses ailes. Il est armé, comment ? Il a le bouclier et l'épée d'enfant, qui servirent autrefois à combattre et à vaincre le monstrueux ennemi. Pourquoi ces jouets ? Souvenons-nous de l'ambassade mystérieuse qui les apporta, enveloppée dans l'énigme, dès les jours de Saint-Aubert. Avec ces jouets formidables, la force de Saint-Michel avait terrassé le dragon, figure du paganisme, comme elle s'était servie de l'orteil débile d'un nouveau-né, le Petit Bain, pour précipiter en bas de la montagne les 2 énormes roches païennes que nul robuste effort ne pouvait ébranler. Le miracle permanent de ce mont, qui fut le palladium de la France, semble être la force de la faiblesse. Saint-Michel va bientôt avoir une faiblesse prédestinée à armer une jeune fille. Il lui faut un fer léger mais irrésistible. Il a les jouets miraculeux, il gardera le bouclier pour couvrir sa maison que jamais cohorte ennemie n'envahira, il donnera à Jeanne d'Arc cette épée qu'une vierge peut aisément soulever. Et viendra un instant de suprême agonie où il n'y aura plus que 2 gouttes de sang chaud dans tout le grand corps de la France. Une au mont, une à Orléans. Et alors, le dernier battement de ce qui est encore le cœur de la France palpitera sous le bouclier de l'archange et derrière l'épée de Jeanne d'Arc, ceinte à son flanc par l'archange. Bossuet a parlé avec magnificence de ce long enchaînement des causes qui font et défont les empires. En présentant d'une façon nouvelle les annales de l'abbaye de Saint-Michel, nous avons tâché de ne point trop négliger les faits locaux. Mais il nous a été impossible de donner, comme nos honorables devanciers, une importance très grande aux choses de l'économie administrative et de dresser prélature par prélature l'inventaire des biens de la communauté. Un pareil point de vue peut être intéressant, ce n'est pas le nôtre. Pour nous, la noble abbaye vaut surtout par le rôle qu'elle joue dans le drame de nos destinées nationales, rôle qui n'a jamais été estimé à sa réelle importance. Il est dans mon projet de suivre plus tard et successivement 2 autres sillons lumineux à travers les âges et de rendre sensible tour à tour par le témoignage des historiens les moins suspects de partialité en faveur de Dieu, 2 autres patronages célestes, celui de la Vierge Mère de Jésus, celui du Sacré-Cœur de Jésus, dont l'aide suprême venant tard à l'heure des terribles nécessités, domine déjà les 2 autres et ouvre l'ère des glorieux et laborieux dénouements. Si je n'eusse pas craint de produire une œuvre en apparence difforme, j'aurais résumé en quelques pages les commencements du Mont-Saint-Michel pour arriver d'un bond à ce 14e siècle qui vit flamboyer l'épée de l'ange de la patrie. Mais il est bon que ces choses surnaturelles soient dites naturellement et viennent dans leur ordre logique selon que la Providence les permit. Voici, pour répéter la grande expression de Bossuet, le long enchaînement des causes de cette guerre, ou du moins des principales, car on les pourrait nombrer par 12. C'était d'abord la fatalité géographique. C'était ensuite la conquête de Guillaume qui avait donné au roi de France des vassaux plus puissants qu'eux-mêmes. Il y avait en outre le divorce d'Aliénor enlevant à Louis VII la Guyenne pour l'apporter à l'anglais, l'assassinat d'Arthur de Bretagne qui avait mis Jean sans terre hors de ses possessions françaises, et enfin la victoire de Bouvines que l'Angleterre ne pardonna jamais. Le motif actuel et immédiat fut l'avènement de Philippe de Valois, qui était seulement le neveu de Philippe IV, à l'exclusion d'Édouard III, petit-fils du même roi par les femmes, ce à quoi il faut joindre la trahison de Robert d'Artois, beau-frère du Valois, et la guerre de succession de Bretagne, où Français et Anglais embrassèrent des partis opposés. La guerre de Cent Ans, qui dura par le fait 125 ans, de 1828 à 1453, usa cinq rois de France, Philippe VI, Jean le Bon, Charles V, Charles VI, Charles VII, un sage et quatre chevaliers, pas un grand capitaine. Ils mirent en ligne de bataille le banc et l'arrière-banc féodaux, plus des masses considérables de mercenaires venus de partout, mais principalement d'Italie. Les Anglais avaient moins de lances et plus de soldats. Ils ont toujours possédé cette science extraordinaire de se faire défendre par les gens qu'ils persécutent. Ils avaient alors leur fameuse infanterie galloise, unique au monde et toute faite de ces étranges héros, lions domptés, qui mangeaient dans la main des assassins de leur père. À ce fond celtique entêté, vivante muraille de fer qui arrêtait les chevaliers comme le sable des dunes brise la puissance de la mer, s'ajoutaient les énormes levées de fantassins faites en Flandre et jusqu'en Allemagne. Au contraire de nos rois de France, les rois anglais d'alors savaient leur métier d'industriels armés. Par frayeur peut-être de ce naïf et brillant tournoi qui était la bataille du temps, ils inventaient la stratégie qui met les princes à l'abri derrière le peuple. Ils se nommaient Édouard III et le prince noir, Richard II, Henri IV, Henri V qui tua Jeanne d'Arc, Henri VI qui fut sacré roi de France à Notre-Dame de Paris. C'étaient des hommes avancés pour l'époque puisqu'ils haïssaient la lance. Ils prirent à nos rois leur France, ville à ville et province à province. La lance fut brisée du nord au midi et de l'occident à l'orient, la lance avec la France à Crécy, à Poitiers, à Azincourt. Jean tomba sur un monceau d'Anglais morts et mourut, se preut de la lance, captif de son antique loyauté. Il y eut des déchirements, des trahisons, des défaillances. La patrie râla, le trône devint fou, pollué par des reines, infâmes entre les infâmes. Nous eûmes, on peut le dire, les sinistres convulsions, les affres de la dernière heure d'un peuple, et nous ne succombâmes point. L'incrédulité même des historiens qui se vantent de passer au-dessus de Dieu dans leurs récits tremble d'attendrissement en racontant ce long miracle. Saint-Michel nous défendait dans le combat. La lutte, supérieure à nous, était entre l'ange de mort et l'ange de vie. L'ange de mort combattait pour la race d'Henri Ier, bourreau du Grand Croisé, son frère, pour la race d'Henri II, assassin de saint Thomas Becket, de Jean sans terre, boucher de son neveu Arthur, pour les aïeux du schismatique mangeur de femmes, Henri VIII, et de l'hérétique Élisabeth, pour l'Angleterre, enfin, couvant depuis des siècles, dans le long enchaînement de tous ses crimes, le crime final de son apostasie. L'ange de vie était commis à la garde de la fille aînée de l'Église de Jésus-Christ. Nos historiens n'ont pas tous vu cela, parce qu'ils ne l'ont point voulu voir, mais nos rois le voyaient, et dès le commencement, ou du moins, ils en avaient la religieuse conscience. On accusera le fait suivant d'être petit, moi je le trouve grand. Le plus vieux de nos écrivains numismates, Leblanc, a dit que la plupart des monnaies frappées sous Philippe de Valois ont une origine historique. Or, quelle est la monnaie frappée par Philippe VI au début de la guerre de Cent Ans? L'ange d'or. Et qu'était l'ange d'or? Une pièce marquée à ce coin, Saint-Michel terrassant le dragon à l'aide de la croix. Michel porte sur cette monnaie prophétique le manteau royal et la couronne aux fleurs de lys. Sa main gauche s'appuie sur l'écusson de France, il est le roi. Voilà le geste de Dieu, et voici l'imitation de l'éternel faussaire, le singe de Dieu, les Anglais sentirent si bien l'extrême gravité de l'investiture donnée ainsi au prince du Nouvel Israël qu'ils frappèrent aussi leur hanche d'or quelques années plus tard. De belles pièces bien sincères au point de vue du titre et du poids, mais qui n'étaient que fausses monnaies vis-à-vis du dessein céleste. Le grand ouvrage anglais de Ruding nous apprend même qu'ils ont continué cette inutile fabrication jusqu'au commencement du présent siècle. Chez nous, l'ange d'or était l'expression du vœu juré. Après la lutte finie et le vœu exaucé, vinrent les actions de grâce non moins éclatantes et précises. C'était Louis XI qui régnait alors. Il fit représenter sur plusieurs monnaies Michel vainqueur, armé de toutes pièces et foulant aux pieds la défaite du dragon. Et bien plus encore, il institua l'ordre de Saint-Michel en l'honneur de l'archange qui, le premier et pour la querelle de Dieu, victorieusement batailla contre le dragon et le trébucha du ciel. 2. L'élection régulière du successeur de Jean de la Porte, Nicolas le Vitrier, prieur claustral, 1324, se fit au premier bruit des incursions, sinon encore des batailles. La guerre de piraterie, d'escarmouches et de pillages était commencée. Peu de temps après, apparaît un homme, Godefroy d'Harcourt, dont la famille va bientôt devenir l'élu de Saint-Michel. Le duc de Bretagne, Jean III, était mort sans laisser d'héritier direct. Sa succession se disputait entre deux compétiteurs, Montfort, son frère cadet, et Charles de Blois, mari de sa nièce. Philippe VI était pour Blois. Montfort appela les Anglais. Le roi d'Angleterre, dit Michelet, qui en France soutenait le droit des femmes, soutint celui des mâles en Bretagne. Le roi de France fut inconséquent en sens opposé. Dans cette lutte, Philippe VI devait pécher autrement que par inconséquence. Il s'empara d'Olivier de Clisson et par trahison fit saisir dans un tournoi 16 seigneurs bretons, presque tous attachés, chose singulière, au parti de Charles de Blois qu'il soutenait. Ces seigneurs eurent la tête tranchée, mais le Normand d'Harcourt, victime du même guet-apens, parvint à passer en Angleterre où, selon Froissart, il satisfit sa rancune en conseillant à Édouard III d'envahir la Normandie par les domaines considérables que lui, d'Harcourt, possédait dans le Cotentin, ce qui fut fait. Ici, nous relevons dans Michelet un aveu qui peut avoir son prix. « L'état florissant et prospère, dit-il, où les Anglais trouvèrent le pays, doit nous faire rabattre beaucoup de tout ce que les historiens ont dit contre l'administration royale au XIVe siècle. » Michelet voit de plus haut que ses confrères, les Anglais mirent à sac Saint-Lô, Caen et Louviers. Rimmer nous a conservé un souvenir de la colère des Normands en face de ces injustes et sanglantes représailles. Ils offrirent selon lui à Philippe de Valois de recommencer l'expédition de Guillaume le Bâtard et de conquérir l'Angleterre à leurs frais pourvu qu'on leur en donnât le partage et le pillage. Philippe VI eut avant de mourir une autre punition plus sévère. Il perdit la première des trois mortelles batailles, Crécy. Après avoir vu la peste noire dévorer, au dire de Froissart, la tierce partie du monde en ses états. À Philippe, Jean le Bon succéda, cœur d'or, foi d'acier, qui reçut au plus profond de ses entrailles la seconde mortelle blessure de la patrie, Poitiers. Au milieu de ses détresses, ce roi des gentilshommes témoigne envers le mont d'une sollicitude constante qui étonnerait si l'évidence ne criait pas que nos princes avaient le sentiment de la grande pénitence, infligée à la patrie par la main même de Dieu, et la conscience du secours qui pendait au flanc de la montagne angélique comme un fruit dont il fallait attendre la maturité pour le cueillir. La captivité de Jean pousse au pouvoir Charles V, enfant, et fait sortir de terre tout à coup quelque chose de funeste, qui ressemble déjà à la République. Michelet est curieux à suivre ici. La vérité le prend en quelque sorte à la gorge. Parlant de la grande ordonnance de 1357 qui supprimait la monarchie, il ne peut s'empêcher de s'écrier « Il y avait à craindre que la France ne périt dans cette opération singulièrement périlleuse en présence de l'ennemi. » Ce n'est pas Michelet qui souligne ces derniers mots « en présence de l'ennemi ». C'est moi, en souvenir douloureux de ce que nous avons tous vu. Mais la France est difficile à tuer parce qu'elle a sa destinée de peuple élu. Toutes les trahisons, tous les coups l'accablèrent alors sans la pouvoir achever. Étienne Marcel la poignarde, la jacquerie la dévore, Charles de Navarre l'empoisonne. Elle résiste à ses bourreaux comme elle avait résisté à Crécy, à Poitiers, à la peste révolutionnaire et à la peste noire. Geoffroy de Cervon, abbé capitaine, selon Don de Caen, prit la crosse au plus noir de la guerre et la porta comme une lance dans les derniers jours de la captivité du roi Jean, où le même chroniqueur pouvait déjà écrire « Toutes les villes de la Normandie, à la réserve de la nôtre, ployaient sous le joug des léopards ». Geoffroy de Cervon était gentilhomme. Sous sa prélature, la bataille serra le monde si près qu'il dut payer de sa personne. Il le fit vaillamment et sut, pour citer encore Don de Caen, aussi bien commander à des soldats esmurailles qu'à des enfants d'obédience en leur clouestre. Il défendit si heureusement son poste que Charles V, enfin roi, pour tout de bon, et débarrassé de ses tribuns du coche, 1364, lui adressa les lettres suivantes. « Nous, etc., considérant la grande loyauté, vrai amour et parfaite obéissance que ont toujours eu nos chers et bien-aimés religieux, abbés et convents du Mont-Saint-Michel au péril de la mer, de garder l'Église et fort d'Icelle contre tous les ennemis de notre royaume, et en tant que nul des dix ennemis, par force, malice ou subtilité, n'y ont pu entrer jamais, avons octroyé et octroyons que en la dite Église et fort ne soit autre capitaine que l'abbé. Les tentatives pour surprendre le mont, par force, adresse ou subtilité, n'avaient pas manqué, et Geoffroy provoqua lui-même un ordre du roi défendant à aucune personne de quelque condition que eux soient de pénétrer dans l'enceinte en portant couteau pointu, épée ou autres armures. La tentative de Jean Bonian, vicomte d'Avranches, une âme damnée du roi de Navarre, Charles le Mauvais, prouva bientôt l'opportunité de cette mesure. Jean Bonian se présenta un jour sous prétexte de pèlerinage, dévotement accompagné. Lui et ses gens portaient le grand cutel à pointe-nez. Mais sur leur pointe et sur leur nez, on ferma les portes très rudement, sans quoi les Anglais auraient couché au mont ce soir-là. De jour en jour, le sanctuaire était serré de plus près. La conquête en eût été pour les Anglais une victoire morale de portée incalculable. On n'a point conservé le détail des faits de guerre de Geoffroy de Cervon en dehors de ses murailles, et le silence des chroniqueurs réguliers se conçoit. Mais le côté très curieux de sa prélature est dans les rapports intimes qu'il eut avec Bertrand du Guesclin, le plus grand homme de l'époque, sans contredit. Ce Breton, au point carré, était le premier stratège qu'on eût revu chez nous depuis Charlemagne, et savait jouer des masses mercenaires comme pas un. C'était du reste le siècle de la revanche des Bretons, écrasés autrefois sous le poids des multitudes amoncelées contre eux par les rois-ducs. Du Guesclin, Clisson et Richemont y eurent en France tour à tour l'office de connétable, c'est-à-dire le commandement en chef des armées. Du Guesclin, le plus breton des Bretons, de son corps comme de son génie, tenait à la Normandie par sa mère, Jeanne de Malémin, et aussi par sa sœur, la nonne Jeanne, qui défendit de sa personne la ville de Pontorson avec une si héroïque vaillance. Une partie de sa vie guerrière s'écoula sur la frontière des deux provinces, entre Entrain et Pontorson, d'où il protégeait la baie de Saint-Michel, de Granville à Saint-Malo. Sa terre de Sassay touchait à Cervon, fief patrimonial de l'abbé Geoffroy, dont il fut l'ami, par lui-même, et par Tiphaine Raguenel, sa femme, Tiphaine la fée. Le bon connétable, entre ses grandes expéditions, resta presque constamment en ce lieu, et y fit cette terrible guerre d'escarmouches si funeste aux Anglais, à laquelle prit part la garnison du Mont. Quand Charles V voulut débarrasser la France de cette nuée des grandes compagnies, Du Guesclin lui rendit l'inestimable service d'emmener la cohue des soudards mercenaires en Espagne. En partant, il confia sa femme avec ses trésors au sanctuaire imprenable. Tiphaine habitait au mont un logis en haut de la ville, sans doute le vieil moustier de Saint-Péron, dont les arcades et la porte romane se voient encore sur le chemin qui monte à l'abbaye, au bord de la muraille défendant le château, le trésor de Bertrand du Guesclin consistait en 100 000 florins d'or, ce qui formerait, en tenant compte du change entre les siècles, une valeur de plusieurs millions. Tiphaine en départit libéralement, jusqu'au dernier denier, aux soldats et capitaines qui, ayant perdu leurs biens à la guerre, lui venoient faire visite. 3. Au plus fort de la guerre, dès que les chemins étaient libres un instant, la foule des pèlerins se pressait vers la montagne angélique, et la croyance à une promesse de secours, tacite mais certaine, devenait de plus en plus populaire. Parfois, les multitudes affluèrent d'une façon si exubérante que des inquiétudes furent conçues. Cela faisait, dit un chroniqueur, comme une nation, campée sur les grèves, et vraiment c'était une nation, la plus grande de toutes, la France qui venait dire à son patron céleste ses malheurs et ses terreurs. Geoffroy de Cervon craignit que derrière ces masses énormes, l'ennemi ne glissât une embûche, et il organisa le service de Saint-Michel, formé de 16 vavasseureries jurées. Le premier vavasseur gardait au coin de l'autel, les autres faisaient faction dans la basilique, en dedans et en dehors des portes. L'acte d'établissement dit que ceux qui tiennent vavasseurerie doivent porter courbeson, aume, cotte de maille, gantelet, bouclier et lance. Pas n'est besoin d'ajouter que Geoffroy de Cervon, sans cesse occupé ainsi de soins militaires, continua de fortifier l'abbaye. Mais la grande douleur qui avait frappé tour à tour tant de ses devanciers ne lui manqua point. La foudre de Jupiter Satan visa encore une fois en 1374 le palais de l'Archange, ouvrant plus large les brèches à peine réparées de l'église, du dortoir et des autres lieux réguliers. Depuis le commencement, nous avons admiré ce long, ce patient courage qui releva constamment les pierres illustres, constamment renversées. C'est le côté peu brillant mais si extraordinaire de la lutte sans fin. Sous Geoffroy de Cervon, la vaillance des ouvriers, logeurs de Dieu, atteignait à son comble. Ils travaillèrent jour et nuit sans cesse harcelés par l'anglais et tenant, dit Don de Camp, comme les soldats de l'Ancien Testament, toujours la truelle d'une main et l'espée de l'autre. Quand Geoffroy mourut, le 28 février 1386, le roi Charles le Sage et son connétable du Guesclin reposaient tous les deux dans la tombe depuis 6 ans. Ils étaient de ceux qu'on ne remplace point. Charles sortit tout faible et tout meurtri de la captivité révolutionnaire où l'avaient tenu ses nobles et ses bourgeois, avait grandi par la patience. Son règne fut une accalmie et une éclaircie au milieu de la tempête qui reprit avec rage sous la minorité de Charles VI. C'est ici l'odieuse vendange des oncles royaux foulant la France comme une cuvée. La France se révolte. Elle émancipe le roi qui épouse sa honte et son malheur en l'odieuse personne d'Isabeau de Bavière. Il avait 17 ans. Ce fut le duc de Bourgogne qui lui défouit du fond d'une cour excommuniée cette créature marquée pour être le mortel opprobre du royaume très chrétien. Comme si aucun fléau ne devait être épargné à cette époque, le sombre schisme d'Occident sévissait. Avignon disputait la tiare à Rome. Geoffroy de Cervon avait eu le tort de reconnaître l'antipape Clément VIII, Pierre le Roi, son successeur, redressa cette mauvaise voie et se soumit à Rome. Sa prélature est la dernière avant les sièges. Ce Pierre le Roi, que Don de Camp appelle le roi des abbés, était originaire d'Orval, auprès de Coutances, docteur en décret, successivement abbé de Saint-Aurin et de Lessay. Il vint comme il fallait après le gouvernement un peu trop militaire de son prédécesseur et acquit à tous égards dans le monde du temps une prépondérance au moins égale à celle dont Robert de Torigny avait joui sous les rois-ducs. Celui-ci avait établi le fameux cartuleur. Pierre le Roi dressa le recueil de pièces authentiques connu sous le nom de terrier ou canandrier, et le livre blanc qui contenait les chartes et bulles. Celui-ci a malheureusement disparu. Tandis qu'on parle beaucoup des perles qui ornaient les mitres de Richard Turstin et de Geoffroy de Cervon, il est surtout question à propos de Pierre le Roi des améliorations qu'il introduisit aussi bien dans l'ordre spirituel que dans le régime matériel et du soin extrême qu'il donna au relèvement du niveau des intelligences. Il se constitua en effet maître et professeur de ses frères, faisant de son monastère une école où il enseignait tout, depuis la Sainte Écriture et le droit canon jusqu'aux éléments de la grammaire. On ne saurait nombrer les livres qu'il acheta ou fit copier pour la bibliothèque et dont plusieurs gardent sa marque. Tout cela cependant était peu. Intelligence féconde autant que hardie, servie par une singulière rapidité d'exécution, Pierre le Roi apporta un contingent des plus considérables au trésor architectural de l'abbaye, et le besoin de couronner les défenses de la Sainte Montagne fut le mobile principal de ses travaux qu'il hâta de toute la puissance de son activité, comme nous hâtons nous-mêmes en ce moment, et malgré nous l'histoire de sa belle prélature qui touche de si près à l'heure où l'épée de l'archange va sortir du fourreau. Il sentait cette destinée venir, elle l'attirait. Nous la voyons venue et son glorieux aimant nous entraîne. On étendait déjà de loin le fracas nouveau de l'artillerie. Devant ces terribles engins, le mont allait-il cesser d'être invincible? Pierre le Roi se dit qu'il forgerait une seconde cuirasse au sanctuaire et qu'il le ferait deux fois imprenable. De la tour des Corbins, vigoureusement relevée, il allongea une haute muraille avec mâchicoulis et parapet jusqu'au devant de Belchère, l'admirable entrée de Richard Thurstin. Celle-ci était la porte de la paix. Pierre la cacha derrière la porte de la guerre, et gardez-vous de vous en plaindre. Ce gigantesque écrin de granit est plus admirable encore que le joyau qu'il protège. C'est le châtelet ou donjon. Quand vous avez gravi cette rue fantôme, étonnante relique du Moyen-Âge qui grimpe à l'abbaye, vous vous trouvez en face de l'escalier, profond comme un mystère. Le gouffre, ainsi qu'on l'a nommé, dont les rois de degré escaladent le faîte du mont entre les tours jumelles, qui ressemblent à une paire de monstrueux canons dressés sur leurs culasses et braquant vers les nuages leurs gueules crénelées. C'est grand jusqu'à serrer le cœur. Il n'est pas un peintre visitant le mont Saint-Michel qui n'ait essayé de reproduire sur la toile la beauté de cette épouvante qui rejeta si souvent les Anglais en déroute au bas du rocher. Pierre le Roi n'eût fait que cela qu'il resterait inscrit entre les premiers au livre d'or des supérieurs du Mont-Saint-Michel. Mais il continua les défenses au-delà de Belchère, par la tour carrée qui a gardé son nom, tour Périne. Il construisit la baïverie, occupée actuellement par les pères missionnaires qui ont restauré avec tant d'éclat le culte de l'archange et où sont écrites désormais jour à jour les annales du Mont-Saint-Michel. Et enfin, pour couvrir les communications entre le monastère et la basilique, il éleva une autre muraille rejoignant le sceau Gautier, avec une tour encore, protection de l'escalier qui montait directement au sanctuaire. Vers la fin de ses travaux accomplis comme par enchantement, 1391-1393, le roi Charles VI vint au pèlerinage au Mont. Il avait eu déjà son aventure dans la forêt du Mans et, sa raison vacillante l'abandonnait par intervalles. Ses heures lucides étaient d'un prince et d'un chrétien. Il accorda au mont d'importants privilèges et franchises pour favoriser les pèlerinages toujours de plus en plus en honneur et dont on racontait d'innombrables merveilles, mais ce qui le frappa surtout, ce fut le mérite hors ligne de l'abbé lui-même. De retour à Paris, il s'empressa d'y appeler Pierre le Roi, qu'il chargea d'accompagner Pierre de Cramant dans son ambassade, dont le but était de mettre fin au schisme. Grégoire XII venait d'être élu pape à Rome, 1406, et Benoît XIII tenait la tiare usurpée à Avignon. Pierre le Roi déploya une telle habileté dans la conduite des négociations qu'il fut choisi par le roi pour assister au concile de Pise, 1409. Dans lequel les deux papes rivaux furent déposés et remplacés par Alexandre V. La preuve de la part considérable prise par l'abbé de Saint-Michel à cette guérison de l'Église est dans ce fait que le saint élu l'éleva à la dignité de référendaire qu'il garda sous Jean XXIII. Pierre le Roi ne devait jamais revoir son abbaye, il mourut à Bologne en 1411 et les partisans de la prophétie du Liber Miraculorum ayant trait à la sépulture des abbés ont fait remarquer ceci. Pierre le Roi, supérieur bien élu, aurait dû reposer au mont, mais il y avait une tache à la régularité de sa vie abbatiale. Il avait pesé sur la libre volonté de ses moines en exigeant d'eux, pour ses besoins, une rente annuelle de 1 200 livres tournois, ce qui, par le fait, inaugurait le triste établissement de la manse abbatiale. Son homonyme, dont Thomas le Roi dit de lui qu'il fit « grande brèche » à son monastère et à son honneur dans la fabrication de cet appointement qui a servi de pont pour faire passer la destruction dans l'abbaye. C'est au lit de mort de ce grand prélat, dont la vie oppose tant d'utiles travaux à une seule faute, qu'on voit apparaître pour la première fois son trop fameux chapelain, exécuteur testamentaire et successeur, le lâche Robert Jolivet. Celui-ci va passer comme une énigme d'égoïsme à travers tous ces dévouements vaillants qui ont donné naissance à la parole proverbiale répétée partout et 1000 fois après les sièges. Si la Grèce eut ses Thermopyles, la France a son Mont-Saint-Michel.